Pour moi, trier, c'est donner une nouvelle vie à mes bouteilles. Je trie, ça se renouvelle. On est dans cette logique de protéger la planète pour nos enfants. Quand je vois les dégâts qu'on est en train de faire, en tout cas, moi, je le verrai certainement pas, mais mes filles, oui. Ça peut paraître un petit geste, un petit effort, mais trier, c'est donner conscience aux autres qu'on a tous une responsabilité. Trier, c'est donner du répit aux ressources de la planète. Oui, trier, c'est donner. Comme Mathieu, Patrick et Darren, rejoignez le mouvement sur trierc'estdonner.fr, une initiative de Citeo. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Selon les neurosciences affectives, notre configuration cérébrale nous donnerait plusieurs types de profils émotionnels. Ces différents profils modulent notre façon de vivre et conditionneraient notre capacité à éprouver des émotions positives ou négatives, à gérer le stress et à comprendre les autres. De la résilience à l'intuition sociale, de la conscience de soi à la sensibilité, nous allons voir à quoi correspondent justement ces différents profils émotionnels au niveau cérébral et comprendre en quoi il est important de les connaître. Peut-on travailler son style émotionnel? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec mes invités dans un instant. Ils répondront bien sûr à vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, l'eczéma est à la une de la science. Oui, avec une question, pourquoi ça gratte toujours au même endroit et régulièrement, des chercheurs français apportent des éléments de réponse et on en discute dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter. Quel est notre profil émotionnel? Sujet de l'émission cet après-midi en partenariat avec le magazine Cerveau Psycho. Pour en parler avec moi en studio à Paris, Sébastien Boller, justement du journal Cerveau Psycho. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Et puis en duplex des studios de l'RTBF à Liège, le professeur de psychologie Michel Ancène. Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous écrivez dans le dossier que nous assistons peut-être à une nouvelle étape dans la quête de la connaissance de soi, avec un modèle autour du cerveau qui concerne donc notre profil émotionnel. De quoi il s'agit exactement pour planter le décor ? Eh bien, les émotions, vous savez, elles nous pilotent à peu près toute la journée. Elles gouvernent énormément de choses dans notre monde collectif, dans notre ressenti personnel aussi. Et donc, il s'agit un petit peu de voir si elles n'ont pas une forme d'architecture. Qu'est-ce qui fait que vous, Mathieu, d'autres personnes vont pas avoir exactement le même type de réaction émotionnelle dans un même contexte, par exemple. Mmh. Ça vient du fait qu'au départ, on n'a pas exactement la même carte d'identité émotionnelle. Tout comme on n'a pas tout à fait la même personnalité, eh bien, on a comme ça des sortes de couleurs émotionnelles dominantes qui seraient en partie peut-être héritées même dès la naissance et en partie modelées par l'éducation, le devenir dans la vie. Michel Ancène, on a réussi à faire de la science précise autour de ces questions, justement. Est-ce qu'on a réussi à classifier les émotions très distinctement? Oui. Voilà. Donc, les émotions sont quand même étudiées depuis longtemps. Il est évident que les grandes dimensions des émotions sont connues. En effet, elles sont représentées différemment au niveau comportemental, au niveau expression faciale, etc. Et on peut donc en dénombrer environ 6 fondamentales. Et il existe, comme mentionné donc dans le livre de Richard Davidson, des bases assez précises au niveau neuronal de ces émotions de base. Et donc on va justement voir de quoi il s'agit, hein, puisque Richard Davidson, c'est ce neuroscientifique américain qui a proposé une description du soi fondée précisément sur ce fonctionnement, avec un style émotionnel, Sébastien, qui détermine notre façon de réagir, vous le disiez, tout ce qui nous entoure, ce qui nous arrive, et on a une prise possible justement sur ce profil émotionnel, hein, c'est ce que vous expliquez dans le dossier. C'est la quête un petit peu, parce que évidemment, une fois qu'on a un tempérament, une structure de personnalité qui est ce qu'elle est, alors soit c'est plutôt un avantage si ces différentes facettes sont bien équilibrées, soit ça peut vous apporter des problèmes quand même, si vous êtes dans l'extrême, parfois sur certaines dimensions émotionnelles. Donc là, ça peut être intéressant de se dire, est-ce que je peux rééquilibrer? Est-ce que par une pratique mentale ou par... des exercices ou une autre façon d'interagir avec les autres, est-ce que je peux jouer un petit peu reprendre le contrôle, faire évoluer mon profil émotionnel. Et il semblerait qu'il y ait quand même quelques leviers, oui. Alors, on va voir ça ensemble dans un instant. On va explorer également avec Michel Ancène les 6 circuits cérébraux qui modulent notre façon de vivre. Et puis, bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui ont certainement des questions à nous poser, à vous poser au sujet des émotions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel, elle a eu aujourd'hui une question. Pourquoi est-ce que les plaques d'eczéma de contact reviennent toujours au même endroit? C'est la question qu'on pose aujourd'hui et c'est une question qui concerne quand même une personne sur quatre en Europe et qui fait l'objet d'un travail publié par des chercheurs de Lyon. Sur la souris, il démontre que c'est l'accumulation dans la peau de certains agents du système immunitaire, des lymphocytes mémoire qui maintiennent pendant plusieurs semaines, réactivent l'apparition des plaques d'eczéma. Et on va en parler avec une des auteurs de ce travail, Audrey Nussbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chercheur pour l'INSERM à l'Université Lyon 1 et aux Hospices Civils de Lyon. Alors avant d'en venir à vos résultats sur la souris, j'aimerais qu'on précise un peu ce qu'il faut entendre par eczéma dans le cadre de vos recherches, car c'est un mot qu'on utilise un peu pour parler de plusieurs pathologies quand même. Tout à fait, il y a différents types d'eczéma. L'eczéma à type de dermatite atopique est plutôt un eczéma constitutionnel. Et puis il y a les eczémas de cause extrinsèque, qu'on va appeler eczéma de contact, qui vont être dus au contact répété de la peau avec différents produits chimiques de l'environnement. Et notre travail s'est intéressé à l'eczéma de contact allergique, qui est une réponse inflammatoire dans la peau suite à l'exposition à différents allergènes. Alors des allergènes, il y en a de très nombreux dans notre environnement, avec en chef de file les métaux comme le nickel, les parfums, les conservateurs, les colorants. Donc c'est une pathologie très fréquente, comme vous l'avez souligné. Comment faire la différence entre une irritation due à un agent irritant et un eczéma, quelque chose d'allergique ? Alors la différence, elle est très difficile, hein. Elle ne peut pas se faire à l'œil, et c'est pour ça que c'est tout le travail des allergologues qui utilisent des tests allergologiques, des tests cutanés, et puis ces tests peuvent parfois être mis en défaut, et l'idée c'est d'aller un peu plus loin, au-delà de l'œil, au-delà du microscope, et on sait maintenant que des outils performants moléculaires issus de la biologie pourront nous aider pour faire cette différence. Oui, c'est ce que vous avez fait aussi avec cette étude. Quelle était la question précisément que vous vous posiez concernant cette pathologie en imaginant l'expérience qu'on va raconter sur la souris? Alors, tout est né en fait de l'observation des patients au quotidien qui, une fois qu'ils sont allergiques à ces produits, vont développer, quand l'exposition continue, de l'eczéma toujours sur les mêmes plaques, et ceci de façon de plus en plus forte, plus en plus sévère. Mmh. Et donc il était licite de se poser la question, pourquoi ça revient toujours aux mêmes endroits, pourquoi c'est sévère? Et donc, pour répondre à cette question, nous avons utilisé un modèle de souris que nous avons pu rendre allergique avec un allergène qu'on retrouve pas dans l'environnement, un allergène modèle, et on a pu donc analyser la chronicité, la sévérité dans l'eczéma allergique de contact avec ce moyen. Et vous découvrez que la clé du problème, c'est l'accumulation de certains agents de notre système immunitaire, en tout cas celui des souris, des lymphocytes mémoire sous la peau. Expliquez-nous un petit peu les grandes lignes alors du mécanisme que vous découvrez là. Faut repartir du début, parce que cet eczéma allergique de contact, il est dû initialement à l'arrivée dans la peau, dès que on est exposé à ces allergènes, de cellules lymphocytaires, de lymphocytes T, qui vont donner la pathologie. C'est-à-dire qu'elles vont donner de l'inflammation, ça va détruire les cellules de la peau qu'on appelle les kératinocytes, et ça va donner des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures. Ensuite, là où l'histoire devient intéressante, c'est qu'on a pu montrer que ces cellules qui initient la pathologie persistaient et qu'elles étaient douées de mémoire et qu'elles pouvaient d'ailleurs persister plusieurs semaines, voire au-delà d'un mois, dans la couche supérieure de la peau qu'on appelle l'épiderme. Est-ce que c'est ce qui explique que la réaction s'aggrave avec le temps au fur et à mesure des apparitions de ces plaques ? Alors c'est clairement le fait qu'elles sont présentes et qu'elles sont résidentes, c'est pour ça qu'on les appelle les lymphocytes T résidents mémoire, et elles vont être impliquées dans les poussées itératives suite au contact avec les allergènes. Alors dans un fonctionnement classique du système immunitaire, on imagine que ces cellules servent à quelque chose, et que là elles sont défaillantes. À quoi elles servent normalement, ces lymphocytes mémoire résidents ? Alors, ces cellules, on les a retrouvées dans tout un tas d'autres pathologies, notamment les infections cutanées, certains cancers. Oui. Ce qu'on sait, c'est que, certes, ces cellules, elles persistent dans le tissu, mais elles sont très fortement contrôlées, notamment dans la peau, parce qu'elles vont exprimer à leur surface des récepteurs inhibiteurs. Et ce qu'on voit, c'est que les poussées surviennent de façon importante, et ce qui suggère en fait qu'il y a un défaut de cette régulation qui puisse favoriser les récidives et la sévérité de l'eczéma de contact. Alors, comment est-ce qu'on passe maintenant de ces résultats ici chez la souris à la pathologie humaine que vous décriviez avant ? Est-ce qu'on peut imaginer facilement que le mécanisme est le même ? Alors, très clairement, on a retrouvé ces mêmes cellules chez l'homme. Oui. Et ces cellules, elles sont douées de mémoire contre des allergènes particuliers, ce qui indique donc qu'elles puissent participer aux pathologies qu'on observe en clinique. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir directement des pistes de peut-être de nouveaux traitements en travaillant directement sur ces cellules ? Tout à fait. Ça fait partie des voies thérapeutiques que nous souhaitons développer. Alors, il y a deux façons de cibler des cellules de ce type dans le tissu. Soit on peut essayer de les éliminer, mais c'est très difficile parce qu'on risque d'éliminer les bonnes cellules qui sont à côté. Mmh. En revanche, on pourrait essayer de moduler l'expression des récepteurs inhibiteurs à leur surface, et ça par des approches d'immunothérapie pour booster en fait cette régulation qui est portée par ces cellules. Une dernière question, Audrey Nussbaum, vous parliez d'un allergène spécifique pour les souris. Quels sont les allergènes les plus fréquents chez l'homme de cet eczéma de contact atopique ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les métaux arrivent en numéro 1 avec le nickel, qui est contenu dans beaucoup de bijoux fantaisie. Arrivent ensuite les parfums. Les conservateurs émergent actuellement de façon importante. Les colorants, notamment les colorants capillaires. Voilà, ce sont, je dirais, les quatre plus grands allergènes qu'on rencontre dans notre environnement. Donc, à vous écouter, on imagine que c'est les femmes les plus sensibles alors ? Tout à fait, c'est deux femmes pour un homme, ouais, qui est atteint d'eczéma de contact allergique. Merci André Nussbaum pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'INSERM et merci aux équipes de Radio France à Lyon pour ce duplex. Axel, merci également et à demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un fongicide dangereux bientôt retiré du marché en France, moins connu que le glyphosate, l'époxyconazole, fait l'objet d'une demande de retrait immédiate de commercialisation par l'ANSES. Ce produit, censé protéger les parties aériennes des plantes contre les champignons, est utilisé sur 50% des cultures céréalières françaises. Un nouvel avis de l'agence publié hier le considère donc comme cancérogène suspecté, mais surtout comme perturbateur endocrinien avéré. Environ 200 tonnes d'époxyconazole sont commercialisées chaque année en France. Le braconnage des éléphants en Afrique est en chute libre, c'est une bonne nouvelle. Une mise à jour annuelle de surveillance des populations nous apprend que depuis le pic de 2011, le nombre d'éléphants tués chaque année pour leur ivoire est passé de 10 à 4% de la population totale. Les raisons principales de cette chute sont la baisse de la demande chinoise en ivoire et le durcissement des règles douanières sur le continent. Malgré cette bonne nouvelle, l'auteur principal de l'étude considère que ces animaux ne sont pas pour autant hors de danger. Et puis pour terminer, une bière pharaonique fermentée grâce à des levures vieilles de 5000 ans. Cette opération de brasserie originale a nécessité la collaboration d'archéologues, de microbiologistes et de brasseurs professionnels. Elle s'est tenue à l'Université hébraïque de Jérusalem. Les souches de levures vivantes ont été récupérées dans les pores microscopiques d'anciennes poteries égyptiennes. Elles sont les descendantes directes des levures dont se sont servis les brasseurs antiques pour confectionner les bières égyptiennes très consommées à l'époque. Allez, quel est votre profil émotionnel ? Dossier de l'émission dans un instant. Et Manu, rentre chez toi, mis des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tôlière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Et déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On était tous maqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi ou alors y'a mal donne. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. est des loups, on est fait pour vivre en bande, mais surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres, ça fait un bail qu'on a largué nos petites. Toi, t'es toujours en rade avec la tienne et tu flippes. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent. Elle est plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine et qu'elle est dans ton pieu, dis-lui que t'es désolé, t'as dû gourer de trottoir quand tu l'as rencontrée. T'as dû tromper l'histoire, elle est comme pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle est comme pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle est comme pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle est comme pas Manu, elle est comme pas Manu, Manu, elle est comme pas Manu. C'était bien sûr la voix de Renaud. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Je m'appelle Joie. Et elle, c'est Tristesse. Je vous présente Colère. Elle, c'est Dégoût. Voilà Peur. On adore Riley. Les souvenirs vraiment importants sont là. Ils sont joyeux pour la plupart. Je voulais en toucher un pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Tristesse! Elle a détraqué le souvenir. Tu es sûr que ça va? Je crois. Répare-le, répare-le. Quoi? Un souvenir de la mémoire centrale. On fait quoi? Oh, si seulement Joie était là! On peut arranger ça. Pour revenir au quartier cérébral... C'est la mémoire à long terme. Tu vas te perdre. Sois positive! D'accord. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Voilà, extrait de Vice Versa des studios Pixar et nos différents profils émotionnels. Cet après-midi, dossier de l'émission en partenariat avec Cerveau et Psycho qui publie son nouveau numéro autour de cette question qui est devenue, on va le voir, un véritable objet scientifique. Et pour en parler, répondre à toutes vos questions, Michel Ancène est avec nous, professeur de psychologie à l'Université de Liège, dans le service de psychologie de la personnalité et des différences individuelles. Expliquez-le un petit peu ce que vous faites d'ailleurs dans votre service, Michel Ancène. Oui, nous réalisons donc différentes études sur différents domaines, évidemment. Donc les émotions, on en travaille beaucoup il y a quelques années et encore un peu maintenant, donc sur ce qu'on appelle plutôt les compétences émotionnelles. Oui. Donc et surtout essayer de les développer pour voir si finalement donc augmenter la résilience de certaines personnes, augmenter leurs émotions positives, pouvait donc au final accroître leur bien-être et leur satisfaction de vie en général. Oui. Et vous arrivez à brosser des profils très distincts justement des personnes qui viennent vous voir dans le service ? Oui, forcément. Donc chacun est caractérisé par un profil émotionnel plus ou moins particulier. Mmh. Et ce qui fait d'ailleurs la richesse des émotions, puisque au final, chacun diffère légèrement sur son profil, ce qui permet évidemment des adaptations au contexte et au milieu de manière très différente également. Et évidemment, donc, quand on parle de profils comme ça, il est important de suite de signaler que voilà, ce sont des profils qui sont évidemment donc sur un continuum et que la plupart des gens sont plus ou moins centraux sur les continuums. Oui. Autrement dit, le profil n'est pas vraiment très visible, n'est pas excessif et n'empiète pas littéralement sur le fonctionnement de l'individu. Mais comme tout continuum, il y a des extrêmes où là, il y a un réel problème, autant dans un aspect positif que négatif. Alors, Sébastien Boller est également avec nous, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho, en partenariat donc avec La Tête au Carré sur ce numéro, Sébastien. Émotion et profil émotionnel, on peut peut-être faire le distinguo tout de suite d'emblée? Oui, c'est pas pareil. Hein. Les émotions, on les connaît, c'est la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise, voilà. Mais les profils émotionnels, c'est pas les émotions en tant que telles. Ça va être, par exemple, la capacité de ressentir ses propres émotions, de les identifier, d'en prendre conscience. Ça, par exemple, ça va être une dimension du profil émotionnel. Donc, c'est pas des émotions en tant que telles, mais c'est plutôt la tendance qu'on va avoir à en éprouver certaines plutôt que d'autres, ou la capacité à les déchiffrer, ou ce genre de choses. Voilà. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, c'est un changement de regard aussi sur nos émotions, la façon dont les neurosciences aussi se sont emparées du sujet, et pour le coup, mettre de la science également dans le propos. Au cours de l'histoire de la psychologie humaine, précisément, comment le regard sur les émotions ont changé, Sébastien? Parce que ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à ça. On peut quasiment démarrer à l'Antiquité, hein. Ah oui, tout à fait. Ça a énormément changé. Si vous prenez le regard des philosophes antiques sur l'émotion, vous prenez Platon par exemple, et même jusqu'à Descartes, c'est qu'il y avait quand même une dichotomie entre la raison d'un côté, l'émotion de l'autre. Même les religions souvent ont quand même diabolisé l'émotion comme quelque chose qui vient du fond un petit peu viscéral, un peu animal de l'être humain et qui perturbe le jugement. Et puis ça a quand même beaucoup changé depuis une bonne vingtaine d'années, notamment avec les travaux d'un neurologue qui s'appelle Antonio Damasio, qui ont quand même réussi à démontrer que nos émotions sont indispensables pour nos prises de décision, et que si on s'en remettait uniquement au raisonnement purement objectif, rationnel, nous serions en fait amenés à prendre des décisions complètement absurdes. Donc les émotions ont connu un regain d'intérêt, et puis après il y a eu ces nouvelles échelles, vous savez, non pas sur le quotient intellectuel, mais le quotient émotionnel. Donc l'idée qu'on peut être intelligent avec ses émotions, et que la capacité de bien se repérer dans ce monde-là est un véritable atout pour réussir dans la vie. Michel Ancel, les travaux du neurologue Antonio Damasio ont été très importants dans ce domaine. Oui, en partie. Disons que ça a permis de mettre en évidence donc le rôle de l'émotion pour prendre certaines décisions de prise de risque, notamment. Mais disons, c'est plutôt les travaux des deux Américains, Lassalov et Meyer, qui dans les années 90 ont vraiment pu montrer avec leur modèle d'intelligence émotionnelle que les émotions, comme il vient d'être dit, ne doivent plus être considérées comme des parasites un peu du raisonnement, des parasites de la vie psychique en général, mais plutôt de pouvoir en effet s'en servir pour faciliter sa pensée, et également le grand intérêt de pouvoir les exprimer, les ressentir et surtout les réguler, puisque le plus important au niveau émotionnel, au-delà de ressentir une émotion, c'est bien entendu de la réguler, de ne pas se faire envahir toute la journée par une émotion négative, être capable justement de la remplacer par une émotion plus positive pour ne pas avoir toute la journée noire par cette émotion. On va écouter la voix d'Antonio Damasio, c'était en 2003, et il raconte justement comment il a été amené à s'intéresser à ce sujet. J'ai étudié des malades neurologiques qui avaient curieusement des problèmes de décision. C'était un type de problème qui les menait à ne pas prendre des décisions d'une forme normale, même s'il était parfaitement normal jusqu'au temps où ils ont devenu malades et ils ont reçu des dommages cérébraux dans des aires cérébrales spécifiques. Et alors, pour moi, ce qui était intéressant, c'est que ces problèmes étaient généralement expliqués en pensant que les gens avaient des problèmes de logique ou problèmes de connaissance ou problèmes même de langage ou de l'attention. Mais j'ai été très convaincu que ces explications ne s'appliquaient pas à ces malades. Et que d'autre côté, ces malades avaient des perturbations très fortes de l'émotion. Et alors j'ai pensé que peut-être le problème des émotions pouvait, d'une forme ou autre, être impliqué à ces problèmes de raisonnement, à ces problèmes de décision. Sébastien Boller, ça, ce regard-là d'Antonio Damasio, il a aussi quand même aidé à faire beaucoup changer la vision des choses sur le rôle des émotions chez l'individu. Ah oui, c'était quand même très nouveau de s'apercevoir que, par exemple, dans des situations de vie quotidienne, vous pouviez être amené à adapter votre comportement dans des situations complexes sur la base en fait de messages que vous envoyez votre corps. Et de prendre des décisions adaptées sans même que votre esprit en prenne entièrement conscience et formalise ça par une règle explicite. Donc ça montrait toute l'importance de ces signaux du corps pour guider l'action et la décision. Et Antonio Damasio est allé plus loin encore, même en postulant que ces émotions étaient indispensables à la conscience. C'est-à-dire que la conscience n'est pas une pure création du cerveau, mais que c'est un dialogue entre corps et cerveau qui passe en partie par les émotions. Michel Ancel, vous l'avez expliqué un petit peu tout à l'heure, on a beaucoup pensé que les émotions étaient penchées plutôt du côté négatif, et puis donc le regard a changé évidemment, et ce rôle s'est considérablement élargi. On s'est aperçu de l'importance véritablement des émotions dans la régulation même de la vie des individus. Hein. Oui, totalement, oui. Et ça s'est passé à quel moment alors dans cette histoire ? Bah, disons, comme je le disais tantôt, c'était plutôt dans les années 90 où on s'est rendu compte que, au-delà donc de l'intelligence classique, les connaissances, la logique, etc., pas mal de personnes donc avaient également donc des compétences émotionnelles qui leur permettaient de gérer différentes choses dans leur quotidien et d'avoir des performances académiques, professionnelles, etc. très supérieures par rapport à des personnes qui avaient peut-être un niveau intellectuel un peu plus élevé mais qui manquaient de ces compétences émotionnelles. Donc l'exemple le plus classique qu'on donne, c'est voilà un étudiant qui est continuellement stressé ou envahi par des émotions négatives, malgré ses bonnes compétences cognitives, il risque peut-être de moins bien valider ses matières qu'un étudiant peut-être moins intelligent de point de vue classique, mais qui gère très bien ses émotions. Oui. Donc Sébastien, ce qui nous distingue, c'est la façon dont nous traitons justement nos propres émotions ou celles des autres, hein, évidemment. Alors, oui, sur le plan des profils émotionnels, oui, c'est ça qui nous dit ça, c'est qu'on est des sortes de machines biologiques à ressentir des choses et les sorties comportementales et notre façon d'interagir avec notre entourage va être différente effectivement selon notre mode de traitement des émotions. Il y a des personnes qui vont être plus stables, d'autres qui vont avoir plus de mal à récupérer après un stress par exemple, et tout ça fait qu'on est tous différents. Jennifer nous écrit ce message, elle nous dit: la configuration de notre cerveau explique-t-il nos façons de réagir justement aux émotions? Est-ce qu'il y a une géographie particulière qui expliquerait justement ces différentes zones dédiées aux émotions? C'était un petit peu de là qu'est partie l'idée de faire un dossier là-dessus, parce que la nouveauté, c'est évidemment que les progrès de l'imagerie cérébrale ont permis de mettre à jour quand même énormément de choses sur ce qui se passe dans notre cerveau, dans les processus émotionnels. Et un des acteurs importants aux États-Unis sur cette thématique, c'est Richard Davidson, qui a beaucoup étudié à la fois le fonctionnement du cerveau, les émotions, toutes les questions liées à la méditation. Et lui a créé un modèle. En tant que neuroscientifique, pour mettre en relation en fait certains modes de fonctionnement émotionnel, donc certaines dimensions émotionnelles avec certains réseaux du cerveau. Donc oui, il arrive à une sorte de cartographie cérébrale de nos profils émotionnels. Michel Ancène, c'est le premier à l'avoir fait ça, ou d'autres l'avaient quand même précédé? Disons que lui est un des pionniers, puisque c'est lui dans les années 80 qui avait montré que un grand style émotionnel qui est la différence entre le ressenti d'émotions positives et négatives, donc est associé à des latéralisations hémisphériques différentes au niveau du cortex préfrontal. Il a été vraiment un pionnier dans ce domaine-là. Par la suite, différentes personnes ont validé un peu cette asymétrie cérébrale concernant le ressenti d'émotions positives et négatives, qui est vraiment la base, si je puis dire, de l'émotion, en tous les cas, en ce qui concerne l'émotion positive et négative qui nous envahit continuellement. Alors, pour revenir sur ce qui avait été dit juste avant, c'est clair qu'il y a des architectures cérébrales qui sont spécifiques à certains traitements émotionnels. Oui. Et bon, il faut évidemment bien comprendre que ça ne nous détermine pas du 100%, qu'il y a une interaction avec l'environnement et que, en effet, l'architecture cérébrale peut être nous préfigure, ou quelque sorte nous pousse vers un chemin plutôt qu'un autre. Donc ça rejoint un peu l'absence de liberté que l'on a sur tous nos comportements. Mais néanmoins, il n'y a pas une détermination à 100%. Donc l'environnement peut moduler évidemment ses prédispositions neurobiologiques. Il faut voir ça évidemment dans un aspect dynamique. C'est bien pour ça qu'on peut changer son style émotionnel. Oui. Donc l'apport de Richard Davidson, pour bien comprendre Sébastien Boller, c'est d'avoir vraiment su mettre des mots et les mots des neurosciences sur le fonctionnement précisément de ces émotions à travers le cerveau. Oui, moi je vois deux apports fondamentaux. C'est d'une part d'avoir une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire que ça consiste à se dire voilà, il y a 8 milliards d'humains sur Terre, mais chacun est unique de par la façon dont il mélange en fait 6 grandes composantes. Voilà. Et donc c'est l'idée que chaque profil émotionnel serait la combinaison de 6 grandes dimensions de l'émotion. Voilà. On va les découvrir dans un instant. Donc ça, c'est le premier rapport. Et puis l'autre rapport, c'est de constater que ces 6 grandes dimensions correspondraient à l'activité de 6 grands réseaux. Donc ça apporte une sorte de caution biologique, entre guillemets, à cette décomposition, à ce modèle à 6 facettes. À chaque fois, on arrive à trouver une région particulière du cerveau qui correspond justement à ces profils émotionnels. C'est le dossier de l'émission. On va évidemment les découvrir dans un instant et répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Michel Ancène, vous qui êtes à Liège, en Belgique, la chanteuse belge qui cartonne absolument partout en ce moment. Vous la connaissez, j'imagine, non? Oui, bien entendu. Angèle. Et ben la voici. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Voilà, carte en plein pour Angèle en ce moment et en tournée dans toute la France. Balance ton quoi à l'instant. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Voilà, en une du numéro de juin de Cerveau Psycho, en ce moment dans vos kiosques, quel est votre profil émotionnel avec les 6 circuits cérébraux qui modulent notre façon de vivre? Donc autant savoir de quoi il s'agit, en savoir un petit peu plus et les connaître, et c'est ce qu'on fait cet après-midi avec mes invités, Sébastien Bollaire de Cerveau Psycho et Michel Hansen avec nous en duplex de Liège, professeur de psychologie. Alors, de quelle façon dans votre pratique, justement, Michel Hansen, vous utilisez cette grille de lecture, finalement, de nos profils émotionnels? Oui, mais la grille de lecture proposée est donc relativement récente, puisque ces 6 profils ont été édités dans un livre plus ou moins récent. Mais dans ces 6-là, donc, on se sert nous, essentiellement des 2 premiers, qui est d'une part la résilience et la perspective, qui au final conditionnent davantage toute notre relation avec tout ce qui est positif et négatif, notre manière de résister au stress, etc. Oui. Et ces 2 dimensions-là sont particulièrement en relation avec des traits de personnalité, qui sont davantage ceux que moi j'étudie dans mes études. Mmh. Alors il y a des questions évidemment des auditeurs. Olivier nous dit, peut-on dire qu'en général la zone du cerveau où se situent les émotions est particulièrement active chez les femmes par rapport aux hommes, où ça n'a absolument aucun rapport, Sébastien Bollaire? Alors, il y a c'est, pas, c'est vous qui vous collez à cette question, ne me remerciez pas. D'abord, il faut que les choses soient claires. Michel Hansen vous répondra, bien sûr. Il n'y a pas une zone du cerveau où se situent les émotions. Les émotions, d'une part, elles sont pas que dans le cerveau, donc le corps est quand même là où ça bouge, là où ça prend naissance, et puis le cerveau, lui, entre en relation avec tous ces messages corporels. corporelle à l'aide de plusieurs aires cérébrales et plusieurs réseaux d'aires cérébrales. Donc, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a plus chez les hommes ou chez les femmes? Non, les hommes comme les femmes ont des émotions. Je pense pas qu'on puisse dire que les femmes aient forcément plus d'émotions que les hommes. Elles ont peut-être pas exactement toujours les mêmes, dans les mêmes proportions. Et là, je laisserai Michel Ancel en dire plus. On a envie d'en savoir plus, Michel Ancel. Oui, on est dans un sujet délicat, mais ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que quand on dit que les femmes sont peut-être plus émotives que les hommes, n'oubliez pas que c'est en moyenne. Il y a toujours des hommes qui sont plus émotifs que certaines femmes, bien entendu. Donc parler comme ça en général, les femmes sont plus émotives ou ont plus d'émotions, c'est peut-être un peu un raccourci qui n'est pas très intéressant. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des différences sur le ressenti émotionnel entre hommes et femmes dans différentes situations qui ont une base en partie neurobiologique, bien entendu, mais également sociétale et contextuelle, puisqu'on attend davantage des hommes certaines réactions émotionnelles dans certains cas et d'autres chez la femme. Alors, on a d'autres messages. Stéphane qui nous dit qu'il a découvert il y a 2 ans qu'il était hypersensible. Quel soulagement, écrit-il, de pouvoir mettre un mot sur toutes ces émotions qui m'envahissent depuis mon enfance. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je continue à me documenter. J'ai beaucoup lu sur le sujet. J'apprends à mieux vivre avec mon hypersensibilité afin de mieux gérer mes émotions et de ne plus me laisser déborder. Michel Ancel, qu'est-ce qu'on peut répondre justement à Stéphane, toujours dans le cadre de ces profils émotionnels qui nous intéressent aujourd'hui? Oui, ça fait partie d'un exemple de quelqu'un qui prend conscience d'une dimension d'un style émotionnel qui est un peu vif ou extrême, et la capacité qu'on peut avoir de justement, en tenant compte, de pouvoir réguler, de pouvoir atténuer donc ces réactions grâce à différents exercices qui sont assez faciles à mettre en place, puisque ce genre de problématique peut s'atténuer sans aucun problème. Oui. Sébastien, on le disait tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ces différents profils émotionnels, c'est de voir les bases neurologiques, ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, on va les explorer ensemble, ces 6 dimensions de l'émotion. Michel Ancel disait qu'il y en avait 2 principales, la résilience et la perspective. Alors, la résilience, pour commencer peut-être? La résilience, c'est très simple, c'est vous observez autour de vous... ce qui se passe quand une personne vit une forte contrariété, par exemple, un événement difficile. Il y a un moment de stress initial, voire de tristesse, de détresse, et chez certaines personnes, le retour à la normale va se faire assez vite. Et chez d'autres personnes, cette émotion négative ou ce stress peut durer beaucoup plus longtemps. Donc cette capacité de retour à la normale, c'est vraiment ça, cette capacité de résilience. Et elle repose en partie sur... deux zones du cerveau, qui est le cortex préfrontal, situé vraiment tout à l'avant du cerveau, et l'amygdale, qui est une petite zone du cerveau, un petit peu la forme d'une amande, comme ça, qui est vraiment beaucoup plus au centre du cerveau. Et l'amygdale, en général, est considérée comme un creuset des émotions négatives, tristesse, angoisse, stress. Et la capacité, finalement, du cortex préfrontal à l'avant du cerveau à réguler cette activité négative de l'amygdale rendrait compte de la capacité justement de revenir au calme, cette capacité de résilience. Donc ça, évidemment, on considère que c'est quand même plus avantageux d'avoir une forte résilience. Mais voilà, la question, c'est qu'il faut peut-être pas non plus être trop haut en résilience. Si vous êtes hyper résilient, à la limite, il vous arrive quelque chose de négatif, c'est comme s'il se passait rien, ça glisse. Et puis, quelque part, faut quand même aussi tirer les conséquences d'un événement néfaste et peut-être pas l'oublier immédiatement. Ouais. Le mot de résilience est bien évidemment associé à Boris Cyrulnik, qui a fait connaître justement ce concept en France. Et on écoute sa voix dans La Tête au Carré. La définition de la résilience, il ne peut pas y avoir plus simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après une agonie psychique traumatique. Ce qui est compliqué, c'est de savoir quels sont les facteurs qui déclenchent la résilience. Et là, il y a des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et culturels. Voilà, Michel Ancel, on l'entend, c'est assez complexe au fond. Quand on parle d'un profil émotionnel, il est lié à beaucoup de facteurs. L'environnement, par exemple, y contribue, pas seulement la biologie. Oui, parce que quand on parle de résilience, évidemment, ça fait référence à la capacité de récupérer vite après un événement stressant, un événement qui nous a fort envahi. Mais bon, il y a évidemment les dispositions individuelles qui nous préparent plus ou moins à pouvoir réagir. Mais bien entendu, il y a l'environnement qui interagit avec ces dispositions que l'on a. Donc, c'est une perpétuelle interaction entre nos dispositions à nous et l'environnement dans lequel on fonctionne, évidemment. Oui, Sébastien ? Oui, et le rôle de l'environnement social pour la régulation émotionnelle est extrêmement important. Vous savez que quand on est entouré par des personnes qui arrivent à nous aider à mettre en mots un traumatisme, et d'ailleurs Boris Cyrulnik a mené des études sur les traumatisés des attentats de Nice, qui montraient que la façon dont la mise en mots était effectuée dans les groupes à la fois d'assistance psychologique et puis dans l'entourage des victimes, et même dans toute la société, dans les médias, était très très prédicteur de la capacité de résilience. Donc effectivement, je suis d'accord avec Michel Hansen, c'est pas quelque chose qui est codé dans notre cerveau une fois pour toutes. Le cerveau est en prise avec la parole, avec les signaux émotionnels que nous envoient nos semblables, et il faut jamais l'oublier, c'est presque le principal régulateur émotionnel. Et c'est ce qui fait sa plasticité aussi, hein, c'est de pouvoir s'adapter à tous les contextes. Michel Hansen, est-ce que les patients et les pathologies des patients ont été très précieux justement pour délimiter, découvrir ces profils émotionnels? Puisqu'on parle d'ancrage biologique, c'est souvent quand il y a des lésions, par exemple, qu'on voit à quel point les choses ne fonctionnent plus. Totalement. Pas uniquement des lésions, mais des activités donc, de certaines zones cérébrales qui sont soit hypoactives ou hyperactives. Donc, prenons deux exemples. Donc, dans la dépression, il est connu depuis très longtemps, dans la fin des années 80, que la dépression majeure donc, était caractérisée par un hypométabolisme frontal gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, autrement dit, l'activité donc, de cette zone préfrontale à gauche est diminuée chez des patients déprimés par rapport à des sujets contrôle. Ce qui veut dire qu'il y a une balance hémisphérique qui est davantage vers la droite pour ceux qui traitent les émotions négatives et plus faible au niveau des émotions positives, donc à gauche. Oui. Et justement, donc le préfrontal est utilisé comme base neuronale de la résilience. Du côté également positif-négatif de ces styles émotionnels. Donc c'est vraiment une zone capitale. Et on peut remarquer également dans la dépression après traitement efficace que le cortex préfrontal à gauche commence à retrouver une activité moyenne, normale par rapport à des sujets contrôle. Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres messages pour vous arrivent sur franceinter.fr pour explorer les profils émotionnels. Coming up. I Need an Urge Coming On, c'était Nick Waterhouse. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Et mes invités en duplex de Liège, Michel Ancène, professeur de psychologie à l'université de Liège justement, et Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho, avec donc la une sur le profil émotionnel, les 6 circuits cérébraux qui modulent notre façon de vivre. Et c'est dans les kiosques en ce moment. Maya nous demande, Michel Ancène, est-ce qu'on ne peut pas avoir une forte résilience à des périodes données et de moins forte à d'autres moments? Autrement dit, y a-t-il vraiment des personnes plus résilientes que d'autres? Ouais, totalement. Donc les événements qu'on vit modulent forcément notre résilience, évidemment. Mmh. Il y a des périodes où on est plus résilient que d'autres, mais néanmoins, donc on a un niveau de base, et ce niveau de base nous prédispose en quelque sorte à l'aide de plus ou moins dans différents contextes de toute manière. Mais oui, dans certains cas, les événements peuvent dépasser un peu notre résilience habituelle. C'est clair. Oui. Sébastien, une question de Mathieu qui nous dit « Doit-on penser que l'ablation des amygdales pourrait avoir une conséquence sur les émotions me sentant moi-même émotif ?» Mais on ne parle pas de ces amygdales-là. Oui, on ne pense pas toujours à préciser. Mais c'est vrai, il faut le préciser. Oui. Oui. Les amygdales cérébrales, ce sont des structures logées à l'intérieur de notre cerveau qui sont composées de neurones. Et si ça s'appelle amygdale, c'est parce que ça a la forme d'une amande. Quand on dit amygda en latin, c'est tout. Ouais. Et donc, il y a les amygdales dans la gorge et puis il y a celles dans le cerveau. Et aujourd'hui, on parle de celles du cerveau, donc il ne faut pas les enlever. Et c'est très rare que ça arrive chez certains patients qu'il y ait une destruction des amygdales. Ça donne des conséquences assez fortes. Vous parlez de celles du cerveau. Oui, du cerveau. Et ça donne notamment une absence totale de peur. Donc des personnes qui peuvent s'exposer, aller toucher des araignées, des serpents dans un bocal sans avoir peur. Donc non, les amygdales, il vaut mieux les garder. Mmh. Michel Ancène, la perspective. Allez, deuxième profil émotionnel, parce qu'il y en a 6. On ne va pas tous les voir dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps. Mais la perspective vous semble importante. Vous nous lisiez tout à l'heure. C'est évident, puisque c'est sa manière de voir finalement les choses de manière plus positive ou négative, de manière très générale. Mais c'est quoi la perspective alors exactement? Donc la perspective, c'est d'après donc le style émotionnel décrit par la victime, donc c'est la capacité, si vous voulez, de prolonger un état positif le plus longtemps possible. Oui. Alors que certaines personnes, on a montré ça dans pas mal d'études, donc sont incapables de prolonger longtemps un plaisir, un événement qui leur procure du bien. Mmh. Très peu de temps après, donc leur plaisir, leur satisfaction diminue. Alors que d'autres, avec une perspective plus positive, parviennent à garder cultiver un petit peu ce moment de plaisir qui les envahit pour finalement en profiter beaucoup plus longtemps. Oui. Et alors c'est où? C'est localisé où dans le cerveau? Parce que là, pareil, il y a une région dédiée. Donc là, on retrouve encore le préfrontal qui est quand même l'architecte un peu de notre cerveau, donc celui qui nous dirige pour beaucoup de choses. Oui. Mais en l'occurrence ici, en relation avec ce qu'on appelle le noyau accumbens, qui est une structure cérébrale qui gère beaucoup donc tout ce qui est plaisir, récompense. Donc ça fait partie du circuit de la récompense qui fonctionne avec de la dopamine notamment. Oui. Et en effet, donc ce noyau accumbens, c'est une partie du cerveau qui nous pousse donc à faire quelque chose de plaisant, de maintenir une activité plaisante. Mais ça peut également entraîner, dans des cas extrêmes évidemment, certaines addictions, de vouloir à tout prix avoir du plaisir à tout moment, oui, qui peut être le côté un peu négatif de ce pôle positif. Oui. Alors quand ça fonctionne bien, Sébastien, ce noyau accumbens, ça donne des personnes qui sont plutôt dans un élan positif. Et alors à l'inverse, quand il dysfonctionne, ça peut donner quoi? C'est l'humeur sombre qui peut aller jusqu'à la dépression. Mmh. Donc là, c'est l'extrême peut-être le plus pénalisant. C'est pour ça qu'on retombe toujours sur l'idée que il y a une zone intermédiaire qui est heureusement occupée par une majorité de nos semblables et dans laquelle on se trouve bien finalement. Il vaut mieux éviter les extrêmes sur la plupart des dimensions émotionnelles. Michel Ancène, Marjorie nous écrit « J'ai l'impression d'être une vraie éponge à émotions négatives. Les infos, les malheurs de mes proches et même les fictions me plongent dans des affres d'angoisse et de déprime. Comment faire pour prendre un peu de distance? A-t-elle un problème au niveau de son noyau accumbens ?» Disons que oui, c'est complexe. Plutôt au niveau du préfrontal à ce moment-là. C'est une incapacité au final de retirer l'émotion négative de son existence pour plutôt en mettre des positives. Mmh. L'intuition sociale également, donc dans ses profils émotionnels, Michel Ancène? Oui, l'intuition sociale est quelque chose d'important, puisqu'au final, donc, on sait percevoir des signaux plus ou moins discrets que pas mal de personnes donnent au quotidien. Oui. Et il est important de les repérer pour s'adapter à ce contexte-là. Et différentes personnes ne le perçoivent pas très bien, ce qui fait qu'ils sont relativement mal adaptées donc dans certaines situations, et c'est vraiment un manque de perception d'émotions très discrètes qui sont moins vives, évidemment. Oui. Et là, Sébastien, ça dépend de quelle zone du cerveau, l'intuition sociale. Ah, en grande partie d'une zone de notre cerveau qui nous aide à observer, reconnaître, identifier les visages. Voilà, le cortex fusiforme. Qui est très sensible aux petites modifications, les petites mimiques, voilà, au coin de l'œil, au coin de la bouche. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, je vois votre regard qui se plisse, signe d'intérêt. J'ai compris que Mathieu est intéressé par ce que je dis. Voilà, et donc on passe beaucoup de temps à déchiffrer ces signaux-là. On est très bien équipé cérébralement pour ça. Ouais. C'est un gros avantage. Ça fait partie des compétences sociales aussi très importantes pour réussir professionnellement dans le couple aussi, hein, de savoir quand est-ce que votre conjoint est attristé ou un signe d'inquiétude. On fonctionne beaucoup comme ça. C'est quelque chose qui est souvent déficient chez les personnes autistes. Voilà, c'est câblé presque de façon innée et automatique chez la plupart des gens, mais ça peut être plus ou moins développé selon les individus. Ouais. Alors Michel Ancel, la conscience de soi, pour nous emmener sur le chemin de ce quatrième profil émotionnel, c'est la capacité à percevoir et à comprendre nos propres émotions et sentiments, hein, c'est ça? Oui, nos états un peu internes également, donc prendre conscience justement qu'on a peut-être une accélération du rythme cardiaque qui nous donne un indice corporel que nous avons une émotion négative, oui. On a peur par exemple, qu'on est stressé, et également être conscient de tous nos états émotionnels, oui. Et Richard Davidson dit qu'on peut être conscient de soi ou opaque, moi j'aime bien la formule parce qu'elle dit plein de choses. Oui, ben, disons conscient de soi, c'est très bien puisque finalement donc ça nous aide à intégrer tous ces messages émotionnels et en tenir compte. Mm-hmm. Être opaque évidemment quelque chose de plus délétère puisqu'au final on s'oblige d'une certaine manière à négliger tous ces signaux émotionnels qui sont pourtant très très importants pour notre adaptation à l'environnement. Oui. Sébastien ? Oui, et je trouve que c'est une dimension de l'émotion qui montre bien que être dans le maximum positif n'est pas forcément toujours très avantageux. Vous êtes peut-être arrivé de rencontrer des gens qui vous disent « je sens mon cœur qui bat à toute allure, j'ai l'impression que je vais mourir ». C'est presque une capacité exacerbée à ressentir tous les signaux que nous adresse notre corps, ouais. Et qui parfois peut effectivement se dire « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ?» Donc être trop à fleur de peau sur ce plan-là, ça peut être désavantageux. Et évidemment, être opaque, c'est ne pas être capable d'identifier ses ressentis et peut-être finalement de ne pas être capable de mettre des mots dessus, donc avoir des comportements parfois dans l'agression ou dans l'irritabilité sans être capable d'expliquer pourquoi. Michel Ancel, si on rejoint la géographie justement de notre cerveau, il y a deux zones, l'insula et le cortex somatosensoriel, c'est ça, autour de la conscience de soi? Oui, l'insula particulièrement, oui, tout à fait, oui. Et encore une fois, donc c'est quelque chose qui dicte un petit peu cette conscience de soi, mais en interaction avec d'autres zones cérébrales. Il ne faut pas, évidemment, de manière trop réductrice, isoler une seule zone comme ça par rapport à un style émotionnel. Donc c'est évidemment en connectivité avec d'autres structures pour autant. Et ce qu'il faut encore bien signaler, ce qui a été dit juste avant, donc c'est que tous ces styles émotionnels, il ne faut pas croire qu'il y a un pôle qui est plus positif ou négatif, donc un qui serait plus favorable ou défavorable, puisque aussi bien à gauche qu'à droite, ça peut créer donc différents problèmes. Ouais. Alors justement, pour rejoindre un petit peu le message de notre auditrice tout à l'heure, sur l'extrême sensibilité au contexte extérieur, il y a la sensibilité justement au contexte. Sébastien, ça c'est le cinquième profil émotionnel, c'est la façon donc de réagir aux circonstances et à l'environnement dans lequel on se trouve. Oui. Si un jour vous voyez pendant un enterrement, quelqu'un qui sort son smartphone, qui commence à envoyer un texto. Ah oui, il est pas très sensible au contexte qui l'entoure. C'est l'exemple typique de quelqu'un qui n'a pas tout à fait intégré la situation. Alors vous avez le choix, soit vous considérez que c'est un malotru, soit vous dites c'est quelqu'un qui a peut-être cette petite zone cérébrale pas assez développée, qui n'a pas cette sensibilité au contexte. Moi, je trouve un des grands enseignements de ce dossier, depuis que je le mets en pratique autour de moi, je trouve que ça porte à l'indulgence vis-à-vis de nos semblables. Et comme je viens de dire, celui qui va sortir son texto la prochaine fois dans la cérémonie d'obsèques, je vais peut-être moins indigné, peut-être plus capable de me dire peut-être que c'est ça, c'est juste une dimension pas assez développée. Cerveau, mais il aura d'autres dimensions très développées et on est tous ça n'empêche pas de lui dire regarde plutôt là où ça se passe. Mesurez vos dimensions affectives. Alors on peut faire un test, c'est ce que vous proposez dans Cerveau et Psycho pour savoir si on est toujours de bonne humeur, paniqué à la moindre épreuve, facilement déconcentré par nos émotions justement. Et ben c'est l'occasion de faire le point sur cette manière intime de réagir à ce qui nous arrive. Et ce test propose plein de questions. Hein. Voilà, on a donc repris avec l'accord de Richard Davidson les items d'évaluation scientifique de ces six dimensions. C'est facile à passer et je trouve que ça donne un bon aperçu de ce qui se trouve derrière à chaque fois. Donc il y a à chaque fois une dizaine de questions et on peut dresser son petit... pas son hémogramme, mais son émotionnogramme. Son petit profil émotionnel. Voilà, c'est un envie d'en savoir plus. Mais ça change au cours de la vie aussi, j'imagine. Hein. Les choses ne sont pas figées pour autant. Ça change, oui, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Comme disait Michel Ancel, on part avec une constitution de base, mais le cerveau est plastique, la société intervient, l'éducation, l'enseignement, beaucoup de choses, des événements de vie. Et donc, il faut toujours savoir qu'on peut aussi décider à un moment donné de dire, j'ai travaillé pour, parce que là, vraiment, je suis trop insensible au contexte, on me l'a dit plusieurs fois, donc je vais faire quelque chose. Voilà. Et puis, le dernier profil, c'est celui de l'attention, cette capacité dont on dispose pour éliminer les distractions émotionnelles, pour rester concentré. Dernière question, très vite, Michel Ancel. Gilles demande, quelles activités peuvent nous permettre de développer l'hémisphère gauche du cortex préfrontal, par exemple? Est-ce que c'est facile d'agir dessus ou pas? Oui, on peut agir dessus en augmentant notre capacité justement, donc de pouvoir réguler ces émotions-là par des exercices de suppression émotionnelle par exemple, ou alors de restructuration cognitive, où finalement donc on essaie de donner un autre sens à l'émotion qu'on ressent. Ouais. On prend une perspective un peu différente. On se demande, tiens, qu'est-ce que quelqu'un d'autre dirait de cette situation-là, de cette émotion-là. Donc, on relativise un petit peu donc l'émotion qu'on ressent. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aux équipes de la RTBF à Liège pour ce duplex. Et puis, Cerveau Psycho sur le profil émotionnel, c'est dans les kiosques ce mois-ci. Sébastien, merci beaucoup.